Pascaline Thiolière, doctorante au laboratoire Cresson. Je fais ma thèse sous la direction de Grégoire Chelkoff. Je compte la soutenir très prochainement. Et elle s'intitule « L'urbain et la mort, ambiance d'une relation ». Donc, ce travail interroge les mutations des pratiques funéraires dans leur relation avec le milieu urbain, car ces pratiques évoluent, se diversifient et ouvrent d'autres possibles. On constate que le cimetière, qui avec la pratique de l'inhumation régissait la culture funéraire française depuis 2 millénaires, n'est plus le seul lieu de ces actes et moments autour de la mort. Donc, on a un contexte français qui s'explique en partie avec la prise en compte des considérations hygiénistes donc depuis le Premier Empire et la sortie du cimetière de la ville. L'urbanisation qui a repoussé le cimetière toujours plus loin du centre et donc des cimetières qui se trouvent aujourd'hui souvent dans des contextes inhospitaliers. Depuis le 19e siècle, on a affaire à une professionnalisation de la gestion de la mort avec l'église puis les communes qui délèguent de plus en plus à des entreprises privées. Depuis le milieu du XXe siècle, se développe en Occident la thèse du déni de la mort, avec on constate une désocialisation, une déritualisation, et parallèlement apparaît un mouvement de réappropriation avec l'émergence des soins palliatifs. Depuis les années 80, on constate un essor fulgurant de la crémation, avec aujourd'hui 33% des sépultures, mais plus de 50% dans les intentions. Une loi sur le statut des cendres en 2008 qui est venue un petit peu encadrer le cinéraire avec donc des sites cinéraires qui sont obligatoires pour les communes de plus de 2000 habitants, l'interdiction de disperser des cendres dans des lieux privés et la possibilité de disperser en pleine nature, c'est-à-dire sur des sites naturels publics. Depuis les années 2000, on constate un fort investissement du sujet de la mort. Un rejet toujours plus important de l'industrie funéraire, avec une personnalisation des funérailles, c'est toujours plus importante, et le développement d'alternatives plus écologiques en Occident, avec en Angleterre les Natural Burial Grounds, aux États-Unis ce qu'ils appellent les Conservation Burials, et en France qui commence à arriver aussi des cimetières écologiques, donc qui préconisent une inscription plus écologique du corps dans la terre, en interdiction des soins thanatopraxiques qui polluent en fait, et en préconisant des cercueils et des urnes biodégradables par exemple. Et on constate donc l'essor de la dispersion en pleine nature. En parallèle, donc, la multiplication des supports médiatiques pour entretenir la relation aux morts, les photos, les vidéos, les pages commémoratives, les réseaux sociaux, les cimetières virtuels, ce qui amoindrit l'importance de la tombe comme lieu de recueillement et interface d'action entre les vivants et les morts. Donc de là, on a émis 2 hypothèses. D'une part, qui relève de l'architecture des espaces funéraires, qui structure notre relation aux morts en mettant en mouvement corps et affect. Le travail du deuil et du souvenir sont des processus complexes et dynamiques qui engagent le corps dans une relation à des supports matériels qui, s'ils sont conçus avec une attention à la particularité de ces processus, peuvent mieux accompagner ce travail du deuil et du souvenir. Une autre hypothèse qui relève plus de la crémation, donc la pratique de la crémation et la matérialité de la cendre amène, en brisant la soumission aux contraintes temporelles, spatiales et sanitaires de la décomposition du cadavre, une réinvention spatiale et symbolique tant des dispositifs funéraires que de leur inscription dans l'espace urbain. Nous avons donc cherché à mieux comprendre, à mieux connaître ces processus et ces mutations et à voir en quoi cela permet d'ouvrir des pistes et méthodes pour la transformation des lieux et la requalification de la relation entre l'urbain et la mort. En termes de méthodes, nous avons associé des outils issus des sciences sociales, des observations, des entretiens visant la connaissance des pratiques et du ressenti de l'espace, à des outils métrologiques pour apprécier de manière plus objective les qualités spatiales, les dimensions, l'organisation de l'espace, et sensibles à travers la matérialité, les flux lumineux, sonores, odorants, et la kinesthésie. 4 types d'éléments, on s'appuie sur 4 types d'éléments, 4 corpus. Ceux qui sont issus d'une recherche bibliographique de la littérature francophone, anglophone et germanophone, qui a demandé une réactualisation tout au long de la thèse, car les pratiques évoluent très vite depuis 10 années. Et cette recherche explore donc les aspects fondamentaux de la relation humaine à la mort et aux morts, avec la philosophie et l'éthique, ce qui relève des pratiques par le biais de l'anthropologie et de la sociologie, ce qui relève de la réglementation, de la gestion logistique et technique, et enfin la dimension architecturale, paysagère et urbanistique des espaces de la mort et du souvenir. Un autre corpus qui provient de la passation et de l'analyse de 10 entretiens traitant de l'expérience du deuil dans son rapport à l'espace et à l'ambiance, reflétant une variété de relations aux défunts, plus ou moins proches, et divers modes de sépulture, inhumation, crémation, divers dispositifs, tombes, columbariums, jardins du souvenir ou dispersion en pleine nature. Un troisième corpus donc, qui provient d'un travail de terrain effectué in situ sur 8 espaces funéraires et leur environnement, qui mêle observation instrumentée des pratiques et des mobilités, ce qui permet donc avec la vidéo, la photo et les enregistrements sonores de fournir un matériau d'analyse qui en partie a été développé dans le cadre d'une recherche ANR, MUSE, des relevés donc, du contexte matériel et sensible qui permet de déceler des potentialités d'action qui découlent donc de ce contexte relatif à l'implantation, à la disposition des sépultures, aux dimensions, aux contours, aux porosités, aux accès, aux cheminements, aux matérialités, aux éléments d'ambiance. Et enfin, un corpus qui provient d'une expérimentation projectuelle qui consiste à interroger un site ordinaire sous l'angle des conséquences, des outillages, analyses et concepts développés dans la thèse. Donc on interprète, que l'on interprète pour envisager la reconfiguration d'un cas concret. Donc à partir de l'analyse de la littérature et des entretiens, nous constatons que la relation entre la mort et l'urbain se déploie autour de 4 intentions fondamentales. Sont celles d'accompagner. L'accompagnement commence dans la vie et se poursuit jusqu'à la mort et au-delà. Il se constitue souvent en moments collectifs, s'exprime par des gestes et des mouvements, des placements, c'est l'action de marcher avec, de partager, d'être présent à côté. Il s'exprime par des caresses, des célébrations, des processions. La qualité de l'accompagnement dépend aussi de l'environnement qui nous entoure et nous accompagne. La qualité esthétique et sensible des espaces et architectures, la beauté et le sens des gestes et mouvements qu'ils permettent. L'intention d'entretenir donc la relation aux morts. L'entretien consiste à maintenir un espace pour cette relation aux morts à travers des actes et des gestes. Par exemple, le soin de la tombe, le fait de pouvoir laisser des messages, laisser des traces de son passage. L'action de cheminer. D'abord, le deuil est d'abord un cheminement intérieur singulier, rythmé par des étapes qui rebondissent sur des événements, des anniversaires, des pratiques rituelles, mais aussi sur l'émergence imprévisible de réminiscence. Le cheminement intérieur induit des moments de basculement, des moments seuils. L'intention de se recueillir, elle consiste à se concentrer en soi, à rassembler son attention. Cela passe par la configuration intérieure et extérieure d'un espace-temps intime dans lequel l'acceptation de la perte peut faire son chemin. Ces espaces protégés relèvent de seuils qui mettent à distance pour permettre un recueillement. Et les ressources du recueillement se trouvent aussi dans l'architecture, par exemple, qui dessine un espace intime, l'esthétique de l'environnement qui permet une contemplation, l'ambiance apaisante qui, due à la végétation, à la vue, au son, encore fort thermique, à des assises, et qui s'est ce recueillement s'exprime aussi dans des postures et des gestes spécifiques. Nous constatons que ces 4 manières de mettre en jeu la relation entre l'urbain et la mort s'expriment par des pratiques spécifiques et interrogent de manière différente l'espace, le temps et l'action, à travers des seuils, des rythmes et des gestes. Donc, ces 3 regards sur les ambiances permettent donc, à travers le seuil, d'explorer la dimension spatiale. Donc le seuil en termes de passage, de limite et d'entre-deux, formation d'un entre-deux. La dimension temporelle donc, permet d'approcher la dynamique des lieux, croisée avec la dynamique du deuil et du souvenir, donc en termes de rythme. Et la dimension corporelle pour approcher ces pratiques qui se traduisent dans l'espace par des gestes et des mouvements spécifiques. Donc apparaissent comme fil conducteur pour aborder ces 4 intentionnalités fondamentales de ces pratiques et travailler sur les hypothèses, ces 3 notions sur lesquelles nous reviendrons tout au long de la thèse. Donc la mise en relation du cimetière avec la ville passe par des seuils qui accompagnent donc le passage de la vie à la mort en une multiplicité de moments, de séparation et de relations. Et dans l'espace, ça s'exprime par des seuils qui mettent en lien les espaces funéraires et la ville. Le cheminement induit aussi le passage de seuils, d'étapes qui sont situées dans les lieux. Pour entretenir la relation entre le cimetière et le milieu urbain avoisinant, les seuils permettent des contacts, soit par des points de franchissement, par exemple les entrées. On voit ici deux cimetières que j'ai pu étudier, de Neuilly et de Peuglénou, donc avec un seuil discret, si ce n'est pas néantisé à la défense, qui se matérialise par une simple barrière, et donc par lequel on passe assez brutalement d'un milieu routier très éprouvant à l'intérieur du cimetière, ou au contraire à Peuglénou, un seuil très marqué, qui marque sensiblement par une réverbération qui est aussi équipée de toilettes, d'informations. Voilà, des manières de mettre en forme le passage très différentes. Ça peut aussi passer par des lignes de contact, des bordures poreuses, une différence de niveau qui permet un surplomb, comme par exemple à la Défense avec la jetée qui permet d'avoir une vue sur le cimetière. Et des interpénétrations de paysages, que le paysage du cimetière se mêle au paysage urbain voisin. Pour se recueillir, les seuils physiques et vécus permettent une mise à distance et un accès à l'intime. Donc, cette mise en relation passe aussi par des rythmes qui s'enchevêtrent. Donc là, on a essayé de comparer pareillement le cimetière de Neuilly et le cimetière de Peuglénou en termes de rythme de cohabitation d'usage, des usages avoisinants et des usages intérieurs. Je n'aurai pas trop le temps de commenter. Donc, comment les rythmes affectent ces quatre modalités? Donc, l'accompagnement, le cheminement qui s'appuie sur des étapes, des moments seuils, des rebondissements cycliques, il se calque sur des rythmes socioculturels, par exemple les fêtes de la Toussaint, les différentes commémorations, sur des rythmes personnels et interpersonnels, des anniversaires, des pratiques rituelles, et sur des rythmes psychiques, le rythme du travail du deuil, les pensées, les souvenirs. L'entretien de la relation induit un certain rythme, sinon elle signifie l'oubli. Il se cale sur les rythmes extérieurs, par exemple les rotations des concessions, le temps de concession du cimetière, et aussi le rythme des saisons qui va induire des pratiques particulières, par exemple par rapport au jardinage, et qui implique aussi des ambiances qui changent dans le cimetière. Donc le recueillement, lui, est comme un temps suspendu qui s'insère dans le rythme urbain. Il trouve des plages qui favorisent mieux que d'autres l'accès à l'intime. Ce qui dépend, bon, déjà, il est calqué sur les horaires d'ouverture, quand il s'agit d'un recueillement dans le cimetière, bien sûr. Il dépend du rythme des enterrements et des célébrations. On a par exemple ici, donc entre Neuilly et Peuglénou, des rythmes très différents. On a environ en moyenne 5 mises en feu par jour à Peuglénou, alors qu'on en a 2-3 par semaine à Neuilly. Donc on a un cimetière beaucoup moins fréquenté, et qui aussi, de par les activités alentour, a un rythme intérieur aussi différent, puisqu'on voit par exemple à la Défense, là, les grandes taches bleues, ça correspond au moment où l'espace public avoisinant va être massivement emprunté par les employés des bureaux qui vont sortir et rentrer au moment du début, du temps de midi ou de la fin des horaires de travail. Et donc on va voir que par exemple à Peuglénou, on a au contraire quelque chose qui est plus de l'ordre de la polyrythmie, avec des usages beaucoup plus variés et divers et qui vont s'intercaler de manière un peu plus subtile avec les rythmes du cimetière. Donc à travers des gestes et des affordances, la relation se passe aussi à travers des gestes et des affordances. Donc, en termes d'accompagnement, on peut par exemple, même si c'est assez rare, mais avoir affaire à des processions qui prennent place dans la ville, dans l'espace urbain. L'entretien de la tombe passe aussi par des gestuelles très différentes, selon les affordances des dispositifs. Quand on a par exemple, comme à Peuglénou, des enfeux verticaux, et ben, selon la hauteur de l'enfeu, on va avoir des postures et des mouvements très différents. Si c'est en haut, il va falloir qu'on ait une échelle. Et les gestes de l'entretien dépendent aussi. Par exemple, à Peuglénou, on est essentiellement dans le soin, dans le nettoyage de la petite surface, donc dans des petits gestes un peu répétitifs. On peut, dans les cimetières où on a déjà un peu plus d'espace et on peut planter, comme à Neuilly, des gestes qui relèvent plus du jardinage, avec de l'arrosage, des plantations, etc. Le cheminement aussi, le cheminement à l'intérieur du cimetière, mais aussi l'accès, comment on arrive au cimetière, sont aussi déterminantes. On a par exemple en haut à gauche l'accès pour arriver au cimetière de Neuilly, qui est très très éprouvant le long d'une voie routière et sur un trottoir très étroit. Et au contraire, une mise en mouvement sur un parvis avec un axe qui mène sur le porche du cimetière à Poblenou. Des gestes du recueillement, les manières de se recueillir aussi, qui impliquent des postures particulières. Par exemple, dans le cas d'une tombe, donc plutôt un regard vers le bas, alors qu'à Poblenou, on a, selon la hauteur du dispositif, de la même manière, une manière de se positionner pour avoir visuellement une position confortable sur la vitrine de l'enfeu. Donc il s'agissait de confronter l'expérience sensible des espaces-temps de la mort à l'expérience intime du vécu du deuil. Et pour cela, on se rend compte qu'on a affaire à un double mouvement qui va de l'espace au corps et du corps à l'espace, donc qui nous permet de regarder et la situation existante, mais aussi d'envisager le projet à partir de ce que l'environnement offre en tant que possibilité d'action, mais aussi ce que, en tant qu'individu qui a une intention particulière, comment on peut spatialiser par l'expérience soi-même, par exemple des limites qui vont nous permettre de nous retrouver dans un espace intime, chose comme ça. Donc on voit, dans les différents cas rencontrés, on ressortent six catégories de relations entre la ville et le cimetière, donc qui mettent en œuvre de manière différente cette relation. Ces grands types peuvent bien sûr aussi se combiner, bon, je vais les énumérer rapidement. Donc on a le cas d'un cimetière qui serait relégué, qui serait tellement éloigné de la ville et isolé, coupé par des infrastructures et en bout d'un pass, comme par exemple le cas du nouveau cimetière de Montbonneau, qui donne donc un sentiment d'avoir un espace qui est anémique, qui n'a pas aucune vie ne peut arriver à lui, et qui donne un sentiment d'inquiétude aussi assez important. On a une configuration qui est plus de l'ordre de l'étendue, donc avec des cimetières de grande dimension, une organisation en grille, avec une présence du ciel importante, une horizontalité, et un sentiment souvent de désorientation, qui donne donc une impression d'anonymat, de monotonie, et des fois des problèmes pour arriver à construire cet espace d'intimité. Des cimetières qui, au contraire, plutôt de petites dimensions, donnent ce sentiment clos et d'intimité par une présence des contours forts et un enveloppement qui peut être de l'ordre du contour du mur, mais aussi, par exemple, c'est le cas à Saint-Martin-d'Hères, la troisième image, où on est enveloppé par la forêt, en fait. Donc là, on a plus facilement un accès à l'intime avec cette protection-là, selon bien sûr le type d'enveloppement auquel on a affaire. Ensuite, on a des positions surplombées, surplombant, comme le cimetière de Neuilly, donc on est en position dans un creux surplombé par la dalle de la Défense, ou au contraire un cimetière surplombant comme à Poisat, où on est sur les flancs de collines, et là on a une vue sur toute sur la ville en partie. Et donc là on a des interactions sensibles possibles entre la ville et l'espace intérieur. Et des possibilités de position contemplative dans cet entre-deux. Ensuite, on a un type qui serait le cimetière parcourable, dans le sens où on a affaire à un parcours qui permet, enfin, un cimetière pensé comme un parcours, qui serait un peu l'image d'un cheminement intérieur séquencé aussi, qui est marqué de seuils. Qui permet des accès variés, des échappées, des échappements, donc qui invite aussi à des usages multiples, comme par exemple donc le cas du cimetière de Courtrai, qui est donc pas délimité par une clôture, mais qui invite, par exemple, au bout du cimetière, à continuer encore sur d'autres chemins, qui relie les espaces de sport, les terrains de sport au cimetière par des ouvertures. Donc, la bascule un peu dans l'expérimentation consiste à tester ce que cette grille de lecture ferait faire à la pensée projectuelle de ces lieux. Donc, on met à l'épreuve cette grille pour tester des méthodes sur un espace ordinaire, et ici qui s'étend donc sur la plaine et la colline de Saint-Martin-d'Hères, et qui inclut sur les flancs et en pied de colline 5 espaces funéraires, cimetière, crématorium, jardin du souvenir. Donc j'ai cherché à déjà explorer à partir des 5 espaces funéraires qui sont en flanc de colline, à partir de là d'explorer dans l'espace public des espaces entre deux qui soient assez distanciés de l'infrastructure routière pour permettre un échappement de ces milieux-là. Et voilà, donc on se trouve dans des cheminements piétons, souvent aux abords de terrains de sport, des lycées, des restes, aux abords de jardins partagés, des choses comme ça. J'ai essayé d'inclure les lieux de culte existants, les églises, les mosquées, et des lieux qui ont plus de l'ordre du patrimoine, comme les anciens couvents. Voilà. Et pour donc tester cette figure de l'antre, donc il ne s'agit pas du tout de projets aboutis, mais de réponses fragmentaires qui permettent d'argumenter, de visualiser des possibles ou les conséquences des hypothèses. Donc en conclusion, ce travail sur l'espace de la mort permet d'introduire la question de l'intime dans la pensée sur l'urbain et l'architecture. L'approche par les ambiances permet d'atteindre des dimensions matérielles et mentales qui s'incarnent dans des relations. Ça permet aussi d'ouvrir des possibilités en termes donc, de forme et de disposition des lieux où reposent les restes, comme de ceux qui représentent des supports à l'entretien de la relation aux morts dans l'espace urbain. Et on peut imaginer ces lieux aussi de manière dissociée. Donc pour représenter de nouveaux lieux où des gestes et pratiques qui convient l'intime puissent trouver une place dans l'espace commun. On a affaire à des limites méthodologiques concernant l'accès à l'intime, déjà, les entretiens permettent ça, mais sur le terrain c'est moins évident. Et puis des limites qui sont de l'ordre de la mise en œuvre après de ce travail un peu prospectif qui relève de la volonté politique et des mentalités, de la représentation souvent négative de la mort. Et les ouvertures que permet ce travail, c'est une ouverture sur d'autres types d'expériences qui relèvent peut-être d'épreuves plus ordinaires que celles du deuil. Et qui permettent peut-être à travers toujours ces notions de seuil, de geste et de rythme qui seront transversales à d'autres expériences, d'aborder aussi l'espace urbain de cette manière-là. Et donc d'envisager peut-être aussi à travers l'intime donc une place à la dimension plus sensible qui passe par la sensualité mais aussi par la spiritualité peut-être. Voilà, pour ce recueillement, cette contemplation, cette méditation dans le milieu urbain. Voilà, merci. Merci Pascaline pour cette présentation. Je vais passer la parole, du coup, comme le veut le jeu, à notre invité extérieur pour commencer les discussions. Je vais aborder quelques points qui sont sans doute des effets liés à la non-compréhension que j'ai parce que le cimetière et tout ce qui est autour du cimetière, bien sûr, à titre personnel, je vois un peu ce que c'est, mais en tant que chercheur, ce n'est pas du tout mon champ de recherche. Donc, quelques petits points comme ça, et puis ensuite, peut-être un questionnement plus important sur le statut des différents éléments que vous apportez. Un peu dans le désordre. Au début, j'ai noté que vous avez parlé de déritualisation à partir du XXe siècle. Juste une petite question comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas au contraire une déstandardisation des rituels? Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une déritualisation. Je ne sais pas, question comme ça. Vous n'avez pas abordé quelque chose qui était plus ou moins à la mode il y a quelques décennies, les cimetières paysagers. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli, si c'est volontaire, si ce n'est pas intéressant. Si c'est sous-entendu, peut-être que vous l'avez écrit ou que vous en parlez en d'autres circonstances. Est-ce que vous avez pensé à circonscrire votre sujet sur le plan culturel? Les pratiques, ce qui se passe dans les types de lieux, ne se passe pas forcément exactement de la même façon selon qu'on est ici. Ici un peu plus large. En Iran ou au Mexique, par exemple. Je pense que si vous avez dit être plutôt en fin de thèse, peut-être en fin de rédaction de thèse, je ne sais pas exactement, ça fait partie des petits éléments, peut-être en introduction, simplement histoire de dire que vous y avez pensé, de les mettre, de border, de verrouiller, dire à certains, ça fait partie du jeu, même si ce n'est pas forcément d'une haute scientificité. Mon sujet, il est là, il se délimite de cette façon-là, sur le plan historique, vous l'avez fait rapidement, il faudra peut-être aussi le faire sur le plan culturel et sur d'autres plans, histoire qu'une mauvaise interprétation ne surviendrait pas en ce sens. Toujours embêtant, c'est clair. Sur vos conclusions, j'ai bien dit que c'était un peu en braque, un point. Sur vos conclusions, je trouve qu'il y a des éléments, à part la dernière ligne qui est l'ouverture, d'accord, mais il y a quand même des éléments qui réouvrent, c'est-à-dire pour les amener en tant que conclusion, alors qu'on n'en a pas entendu parler au préalable. Par exemple, la volonté politique, vous n'en avez pas parlé. Ou alors c'était très implicite, ou j'ai pas compris, ou j'ai pas entendu. Voilà. Et donc, tiens, c'est pas une conclusion. Une conclusion, c'est quand même ce qui est amené suite à un raisonnement, suite à une démarche, quelle qu'elle soit. On arrive à cette conclusion. Et là, on trouve des trucs nouveaux, des éléments nouveaux. Donc, c'est peut-être une ouverture, mais c'est pas forcément des éléments de conclusion. Autre point auquel j'ai pensé, il va y avoir, ou c'est peut-être sorti déjà, un appel à la communication pour la revue Nouvelle Perspective en Sciences Sociales. C'est pas forcément une revue très connue, très référencée. C'est franco-ontarien, c'est en langue française et éventuellement en anglais, si vous préférez écrire en anglais. Et c'est, le sujet, ça va être la mort. Je pense que vous avez quelque chose à dire. L'appel à la communication va être lancé par Mélanie Girard, qui est de l'université de Hearst, en Ontario. Dès que je l'ai, je vais sans doute le recevoir bientôt, je pourrais le transmettre. Après, deux petites questions, enfin une petite question, une grosse question. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi l'articulation entre vos deux hypothèses. Enfin, vous pouvez éventuellement les remettre. Hein. Deux hypothèses, oui, pourquoi pas. Est-ce que vous avez la possibilité de dire explicitement en quoi ces deux hypothèses ont des liens? À moins que vous ayez fait deux thèses, je caricature un petit peu. Ok. Alors, des ritualisations, oui, je parlais de... Merci. La déritualisation, justement, elle va avec la thèse du déni de la mort qui a été développée surtout après-guerre, dans les années 50-60. Et c'est vrai qu'on revient maintenant énormément dessus puisqu'on se rend compte qu'il y a peut-être une phase où on est... En perdant les dogmes religieux, on s'est retrouvé un petit peu démunis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère ces nouvelles pratiques plutôt en termes de réinvention, de personnalisation, de bricolage aussi, de bricolage qui permet d'être au plus près de la personne défunte. Donc là, c'était. Même au préalable, vous pourriez penser que le déni est lui-même objet de ritualisation. Les cimetières paysagers, c'est pas un oubli, mais c'est vrai, ce qui m'intéressait, c'était essentiellement la relation et la manière dont le cimetière est en relation avec la ville. Et c'est vrai que c'est, bon, peut-être pour répondre à la circonscription culturelle d'abord, ce qui m'intéresse, c'est quand même de regarder le cas français et de l'éclairer par d'autres biais. Alors, je suis allée voir un petit peu aussi loin au Mexique, en Inde, mais c'est vrai que je regarde essentiellement la situation occidentale et française que j'éclaire par... parce qu'après, on a quand même des problèmes un peu communs dans les pays européens, mais qui, par la législation, du coup, donnent quand même des réponses très différentes. Et c'est vrai que les cimetières paysagers n'ont pas été très développés en France, contrairement à d'autres pays du Nord. Et je pense qu'en fait, on est en train de sauter cette étape en passant aux cimetières ce qu'ils appellent écologiques, puisque finalement, c'est une autre manière de mettre en jeu le végétal, moins de manière composée, moins en termes de paysage composé, que voilà, de l'écologie qui structure vraiment l'espace. Voilà, la volonté politique, en fait, ça fait partie des limites à la prospective ou à la projection de ces choses-là. Parce que s'il n'y a pas une volonté politique d'inscrire différemment la mort dans la ville, ou que ce soit politique ou citoyenne, voilà, c'est plutôt en termes de limites que d'ouverture, bien sûr. L'appel à la communication, bah super. Et puis l'articulation entre les hypothèses. En fait, c'est vrai que l'hypothèse principale au début, c'était de voir comment cette réinvention peut avoir lieu. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte au fur et à mesure de la thèse, c'était pas au départ, j'avais pas l'intention de travailler seulement sur la crémation, mais je me suis rendu compte que la matérialité de la cendre et la crémation permettaient beaucoup plus cette réinvention-là, c'était un facteur qui faisait avancer les choses beaucoup plus rapidement, parce que justement on n'a plus du tout les mêmes contraintes qu'avec une décomposition d'un corps qui... Et le lien avec le corps, ben comment dire, c'est en fait deux manières d'approcher cette réinvention, si on prend en compte mieux donc la manière dont le corps et les affects sont mis en mouvement dans l'espace, on apporte une pierre à cette réinvention, et le fait que la crémation prenne une place importante apporte aussi une pierre. Donc c'est peut-être que ça aurait pu être deux thèses différentes, mais je considère que c'est quand même important là, de les considérer ensemble. Toutes les petites questions que j'ai pu poser sont vraiment de l'ordre de rendre explicite tout ça. C'est plus de l'ordre de la forme. Et c'est vrai que là, si votre réponse elle est quand même un petit peu hésitante sur la thèse, je pense que pour moi dans l'écrit de la thèse, si vous preniez, je sais pas moi, X heures pour rédiger une page pour bien montrer au lecteur qu'il y a deux hypothèses, d'accord, mais c'est parce qu'elles se rencontrent de cette manière. C'est pas juste un lien de juxtaposition, c'est peut-être un lien temporel, il y en a une qui est venue après l'autre, ça peut être un lien d'inclusion, ça peut être un lien de spécialisation. Plein de possibilités, mais ne laissez pas le lecteur dans une sorte de flou qui le mettra mal à l'aise et qui lui donnera l'occasion de lire comme il a envie de lire, non pas comme vous avez envie qu'il lise. Okay. Bon, je peux embrayer, s'il vous plaît, parce que je voulais intervenir sur les hypothèses aussi. Tu passes le micro. Je fais comme ça. Je vous passe le micro. Oui, moi je voulais profiter de votre perche tendue pour rebondir sur les hypothèses, parce que je trouve là un effort à faire sur la rédaction des hypothèses précisément et sur leur précision. Parce que si tu veux, les hypothèses, telles qu'elles sont formulées là, tu nous dis quoi? Tu nous dis deux choses contradictoires dans la première et la deuxième. Dans la première, tu nous dis que c'est l'architecture qui met en mouvement le corps et les affects, et donc c'est la spatialisation qui détermine le comportement. Et dans l'autre cas, tu nous dis, les pratiques autour des centres amènent une réinvention des lieux. Donc c'est comme si c'était les comportements et les pratiques qui engendraient les espaces. Donc là, pour moi, tu n'as rien dit d'autre que le sous-titre de la thèse, ambiance d'une relation. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont en relation, la mort et ses pratiques avec les espaces, mais il n'y a pas d'hypothèse, puisqu'il y en a une qui contredit l'autre. Tu nous dis juste que c'est en lien. Alors dans un sens, tu dis c'est l'architecture qui modèle, et dans l'autre sens, tu dis, ce sont les pratiques qui déterminent ou qui réinventent l'architecture. Donc ça, c'est très dangereux, parce que, dangereux dans le cadre d'une avancée de thèse, parce que c'est trop facilement démontable. Il faut qu'à un moment donné, une articulation existe que tu peux nuancer. Tu peux très bien jouer d'une réciprocité, parce que c'est très très difficile de dire c'est l'espace qui détermine ou ce sont les pratiques qui déterminent. On est d'accord, hein, c'est très difficile. Mais une hypothèse qui s'exprimerait davantage en termes interrogatifs doit quand même parier sur un des deux ou sur un autre type de relation ou introduire un troisième facteur, mais et ne pas rester dans l'énoncé contraire dans les deux hypothèses de la relation que tu établis dans toute la thèse. Là, il y a quelque chose qui me semble très très important au niveau du cœur de ton travail. Et alors, ça ne remet pas du tout en cause, mais il faut que tu arrives à l'exprimer en fin de compte, c'est-à-dire en ayant fait tout le travail d'enquête, tout ce que tu as apporté comme information. Finalement, c'est quoi ? Est-ce qui se dessine le mieux comme thèse, qui pourrait colorer cette relation-là que tu nous annonces comme sujet ? Tu vois, là, il y a quelque chose dans la formulation qui est très très exigeant. Mais moi, je pense que tu aurais intérêt de travailler par interrogation plutôt que par affirmation au niveau des hypothèses. Et j'avais une autre remarque à faire sur... Est-ce que tu pourrais bien nous mettre, s'il te plaît, la diapo cimetière et relation à la ville ? Parce que ouais, ben là, c'est une précision que je te demande, là, parce que si ça se trouve, tu as tout à fait fait ce qu'il faut. Mais là, c'est... regardez, ce qui se passe là, on a donc une colonne, la colonne des items, qui sont des adjectifs spatiaux. Relégué, c'est pas au sens moral, c'est au sens éloigné, comme tu l'indiques après. Étendu, clos, surplombé, surplombant, parcourable. Bon, donc ça, ce sont des termes appartenant à la spatialité. Et qui détermine directement des adjectifs liés à l'affect, au comportement, à la morale, à une désignation qualitative liée à des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'objectif, mais avec du subjectif, du vécu, des choses, du ressenti. Alors, moi je suis d'accord avec ce saut, mais par contre il faut que tu me dises comment tu y arrives. Est-ce que tu as interrogé des gens ? Est-ce que tout le monde participe de ces hypothèses-là morales ou d'interprétation ? Est-ce que tout le monde se sent dans l'intime parce que c'est clos ? Est-ce qu'il suffirait de clore pour que ça fasse de l'intime ? Tu vois, alors peut-être que tu as déjà tout ce travail, hein. Ça c'est dans ta présentation, je rebondis juste sur ce que tu nous montres, mais un tableau comme celui-ci, tu vois, il est terrible parce qu'on se dit, mais ça sert à rien qu'il y ait eu 200 ans de sociologie dans le monde, puisqu'on arrive à un truc qui est... On fait un lien sans avoir recours à tout ce qui se... à toute l'analyse du réel, quoi, tu vois. C'est comme si tu... Ces liens-là, c'est même pas la peine de faire de thèse. On peut dire, on va les jongler avec les mots, puis on va dire, c'est comme ça que ça se passe. Hein, le surplombant engage une position contemplative. Et peut-être que non. Peut-être que pas pour tout le monde, ouais, non, mais ça, peut-être c'est sûr. Que les circonstances peuvent changer, et peut-être qu'il y a d'autres conditions qui sont précisément des conditions ambientales beaucoup plus fines, qui font qu'on n'est plus dans des catégories aussi grandes. Donc tu vois, à mon avis, il y a un travail, mais peut-être que tu l'as fait, je ne préjuge pas tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, mais la grille, elle n'est pas assez fine pour être réaliste, quoi. Voilà, là, on est trop dans des grandes catégories, et à mon avis, c'est un danger de s'arrêter à ce stade-là de présentation au niveau de la soutenance, parce que là, tu portes trop le flanc à des critiques de fond, quoi. Alors que sur le cœur même du travail, on sent qu'il y a toute une matière qui est extrêmement riche. J'avoue. J'ai moi-même eu du mal à catégoriser le travail. Mais tu parles d'enquête ? T'as demandé aux gens comment ils réagissent ? Bah, c'est des éléments qui ressortent et des entretiens, et d'observations, et d'observations de l'extérieur, de l'intérieur, etc. Après, je ne dis pas du tout que c'est six catégories et c'est tout, et je voulais le dire, mais d'ailleurs je ne l'ai pas dit, qu'il y a plein de cas qui sont en fait des combinaisons de tout ça. Et c'est pas du tout déterminant en termes de, c'est pas du cause à effet, mais c'est en termes de ressources possibles, ça n'implique pas du tout, au contraire, voilà, et c'est vraiment une manière d'essayer de caler un peu ces types de relations, mais c'est une toute petite partie en fait. C'est un test, mais dans la recherche, je ne m'appuie pas du tout là-dessus, mais je développe, j'essaie de faire des liens entre voilà, tout ce qui ressort des entretiens, etc. Ça, c'est plutôt une espèce de test après coup, pour voir comment est-ce qu'on pourrait. Mais ce n'est pas du tout en termes de cause à effet ou que ce soit. C'est, voilà, c'est dans cette recherche de ressources possibles en termes de comment le cimetière s'implante dans la ville et est en relation avec l'extérieur, quel type de ressources on peut éventuellement trouver de cette position. Et la contradiction entre les deux hypothèses, je vais y réfléchir. Ouais. Je pense que c'est sûr que c'était des interrogations au début, alors peut-être qu'il faut que je le laisse en ces termes-là. Et je pense qu'au fur et à mesure, justement, c'est ce que je montre un peu dans la boucle, là, je me rends compte de la réciprocité et de l'espace et des affects et la difficulté de simplifier comme ça. Voilà, donc peut-être que oui, en effet, il faut que je le laisse sous forme d'interrogation de départ. Et voilà. Une des modalités de réponse, c'est les attitudes du corps. Ça fait parfaitement raison de parler des gestes, du corps, tout ça, ça c'est très très bien. Sauf que le corps, ça n'existe pas. Tu vois, c'est une suite de corps différents, de pratiques différentes, de déclinaisons, etc., qui font une palette, quoi, qui font au mieux un éventail assez large. Et dans cet éventail-là, tu as des nuances qui sont absolument indispensables, mais qui, à mon avis, répondent en partie aux hypothèses. Pour dire, sur certains terrains, ce sont les pratiques qui dictent, sur d'autres terrains, c'est l'espace qui les inclut, qui les dit, qui les affordances de l'espace avec lesquelles elles rentrent en dialogue. Tu vois, mais c'est nuancé, quoi. Je te dis juste une chose, je regrette qu'il n'y ait pas assez de nuances, mais là, je parle bien de la présentation d'aujourd'hui, je ne parle pas du travail fait. Mais à mon avis, tu as plus intérêt de développer les nuances que des généralités, parce que sinon tu vas très vite tomber sur ce genre de grandes catégories qui sont dangereuses, parce que tu vois, on peut très facilement dire maintenant ça tient pas, alors qu'elles peuvent tenir dans le détail. C'est la difficulté de devoir expliquer une thèse en 20 minutes, parce que si je déroule les nuances. Mais fais gaffe à ce genre de raison. Quand même. Alors, on avait une autre question. De remarquer la deuxième va dans le sens de ce que disait Henri. La première, c'est que je m'étonne qu'on entende absolument pas parler de religion dans le travail. Donc, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est une parenthèse ou pas? Et si c'est pas le cas, bon, j'ai entendu qu'il y a la déritualisation. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de religieux dans les pratiques du cimetière? Et s'il y en a, est-ce qu'elles sont opérantes pour analyser la fondation en fait, à la mort? Donc pour moi, est-ce que cette question de la religion est évacuée, puisque là, on ne parle pas, donc voilà, la question, en tout cas, en général, qui a dans le sens de ce que disait tout à l'heure, c'est-à-dire, si elle n'est pas présente, il faut le dire, il faut dire pourquoi elle n'est pas présente, je pense. Une deuxième remarque qui va dans le sens de la remarque d'Andrique, c'est, je me demandais si, mais peut-être que là encore, hein, c'est peut-être en effet la présentation par rapport au contenu de la thèse, mais je me demandais si ce n'était pas intéressant d'avoir un moment intermédiaire entre l'espace et le corps qui serait, qu'en est-il en fait, des événements, des moments particuliers de la rencontre. Alors, je pense par exemple l'enterrement, la fête de la Toussaint, la visite ordinaire. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas des moments particuliers qui peuvent être décrits, qui peuvent précisément permettre de documenter en fait finement ce qui se passe et qui permet non seulement de parler de l'espace, mais aussi des conditions mêmes au moment où ça se passe, alors des conditions climatiques, atmosphériques, environnementales ou autres. C'est-à-dire, est-ce que dans la thèse, il y a ou pas une description de ces moments où on est physiquement présent dans ces cimetières et on peut dire ce qui se passe, quoi. Est-ce que ça, ce ne serait pas une façon de rentrer dans, alors, si ce n'est pas une typologie, en tout cas, une sorte de déclinaison en fait, de ces modes de relations possibles qui inclut des conditions très concrètes et pratiques. Oui, c'est vrai que je parle de ces moments-là, donc je développe l'idée de rythme aussi, de voir comment ces rythmes interfèrent. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal d'observations au moment de la Toussaint, mais je ne l'ai pas encore. Peut-être que je peux essayer de voir. Bon, ça peut devenir aussi apporter quelque chose de plus. Et la place de la religion, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je dise pourquoi, mais c'est pour plusieurs raisons. D'une part, c'est vrai que je suis quand même plutôt orientée vers une prospective et des milieux urbains, et c'est vrai que statistiquement, c'est une prospective, et donc en termes de crémation, c'est aussi des statistiques qui sont. Les personnes qui choisissent la crémation sont proportionnellement beaucoup plus athées que ceux qui choisissent l'inhumation. Et puis, voilà. C'est vraiment un parti pris de dire. Et puis le cimetière, c'est un espace laïque. Normalement, la religion n'a pas sa place. Bien sûr, dans les faits, il y a des croix. C'est vrai que c'est plutôt la position prospective qui me fait mettre ça de côté, parce que je pense que. C'est pas pour ça que je mets les aspects spirituels et de recueillement. Quand je parle de recueillement, ça peut être très bien religieux comme d'un autre ordre. Il n'y a pas d'interférence justement entre le religieux et la dimension spirituelle. C'est-à-dire à un certain moment, des croyants ou des non-croyants de différentes professions peuvent avoir des pratiques, des postures, des gestuels différents. Si, mais ça a été tellement étudié déjà que c'est vrai que je n'ai pas d'aspect que j'ai voulu prendre en compte. Voilà. Et bien, vous aviez encore une question, monsieur. En fait, ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur des sauts, des implicites, comme moi j'ai dit. On sent bien qu'il y a du matériau, les entretiens, les observations, etc. Et puis, on arrive à quelque chose qui est accompagner, entretenir, cheminer, se recueillir. Et je ne suis pas encore sûr de savoir si ces quatre termes forment, sont des intitulés de résultats ou forment ensemble une grille d'analyse des matériaux recueillis. Ce qui peut être donc à préciser. Et ce qui peut être bien aussi, c'est d'utiliser des grilles d'analyse qui ont été utilisées par ailleurs pour essayer soit de préparer en quoi ces quatre choses-là sont de l'ordre des résultats, soit de les continuer ces résultats. Alors, il y a une grille qui est souvent utilisée, même si là je n'ai pas forcément de référence précise en tête. Il y a ce qui est relation à soi, relation à l'autre, relation au tout que forme la société dans laquelle on est plus ou moins inclus. Relation au temps, relation à l'espace. Et dans beaucoup de choses de ce que vous avez dit, on pourrait faire rentrer ça, les différents éléments de notre discours, dans cette grille à cinq entrées. Ça permettrait de compléter, je crois, accompagner, entretenir, cheminer, ou préparer, plus structurer, ces quatre termes-là qui sont utilisés, je ne sais pas sous quel statut. Et puis sur les hypothèses, mais là c'est plus peut-être. Généralement, n'utilisez pas des termes un peu mous ou un peu neutres. Ils sont plus à l'écran. Il y a structure. Mm-hmm. Voilà. Alors structure, ça peut vouloir dire plein de trucs. Alors les pratiques, on peut se dire que ce sont toutes les pratiques observables, d'accord, amènent une réinvention spatiale. Et là, ça serait bien dans une hypothèse qui irait jusqu'au bout, c'est-à-dire qui serait reformulée une fois qu'on travaille le test effect, juste avant la phase de rédaction, de dire quelle réinvention, de qualifier cette réinvention au-delà des très très grandes catégories que sont spatiales et symboliques. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, il nous reste à peu près 5 minutes, donc on va. Voilà. En fait, j'avais une hypothèse, une question. C'est mieux d'avoir une affirmation, mais bon, c'était un choix. après qu'elle soit formulée, peut-être pas tout à fait comme il faut. Et le fait qu'il y en ait deux, moi, je pense qu'il y en a une qui était première, donc c'est qui est au-dessus. La mise en mouvement des corps et des affects, c'est ce qui est recherché, comment les différentes modalités spatiales, environnementales, de cimetière que vous avez pu observer, offrent ou sont mis en question par ces corps et affects. Et en plus, la deuxième hypothèse, c'est que justement, ce que tu observes, c'est notamment en France, la pratique des cendres qui a augmenté énormément dans les, on va dire, les dernières années, qui bouleverse un peu justement les organisations spatiales préexistantes. Donc c'est complémentaire, l'hypothèse. Justement, c'est un outil, c'est un levier pour, il me semblait, pour observer justement comment des choses qui n'avaient pas lieu avant viennent s'inscrire dans des lieux qui n'avaient pas prévu ça. Voilà, il y a justement une, c'est un levier méthodologique, c'est à la limite ce truc qui me vient de le type qui est observable, et notamment autour de ça, fait que ça nous permet de constater les, justement cette, cette mise en relation à travers les corps et les affects, mais orientée par d'autres types de pratiques. Donc voilà, il y a les deux et qui s'articulent quelque part dans un ensemble. Après, c'est vrai, je trouve qu'il y a un effet dans la présentation de réduction des choses, mais bah, ça, c'est un peu le propre de ces présentations sans lecture des documents, sans. Voilà. C'est sans doute un peu dommage. Donc, c'est vrai que là, il faut faire attention à l'oral pour mettre l'accent sur les. Voilà les éléments qui sont voilà, qui font que parfois on a l'impression d'implicite des choses. Et ça, évidemment, c'est difficile quoi, pour un observateur extérieur, parce qu'il ne sait pas trop comment se positionner. Et puis, mais dire autre chose, oui, sur les grandes catégories, ouais, moi je trouve ça intéressant, mais je les déclarais justement, je trouve intéressant de les poser. C'est, oui, c'est plutôt spatial, effectivement, se relayer. À l'autre bout, enfin bref, il y a quand même des choses précises qui sont liées à ça et qui représentent, on va dire, un bon panel de situations. Mais alors, du coup, justement, les conditions locales, environnementales ou mentales devraient être mieux précisées. Qu'est-ce que ça entraîne? C'est vrai, relégué au bord des infrastructures, il y a des conditions de possibilité quand même qui sont d'ordre différent selon cette typologie qui est effectivement plutôt d'ordre spatial, mais qui entraîne tout un ensemble de caractérisations, de propriétés, je dirais ça, qui met en condition. Voilà. Et je trouve que ça devrait apparaître effectivement à un moment donné. Et ce serait long, effectivement, comme dit. On va alors prendre un exemple. En tirer un, par exemple, là, je sais pas, parce qu'on parle d'ambiance, mais on ne parle pas tellement finalement des conditions positives, tout ça, qui effectivement caractérise parfois ces situations. Avec du coup, des affordances ou des possibilités qui sont d'ordre quand même cadré, on va dire, en tout cas limité. Et encore une fois, pour une thèse qui n'est pas ni de l'archéologie, ni de la sociologie, etc., c'est important de se situer sur ces besoins. Faire ressortir plus évident. Je ne sais pas si tu veux répondre en 2 minutes pour qu'on laisse le temps aussi à Serge. Non, mais c'était pas, j'ai pas vraiment de réponse. Là, c'était des remarques que je vais garder comme ça en chou. Une courte question. C'est juste que si on doit finir à 15h30, bien sûr. Faut que tout le monde ait le même temps. Oui, par rapport, c'est vrai, dans la continuité de ce qui a été déjà dit, par rapport à. Des questions Jean-Paul, je pense, sont liées entre les questions de la religion, les questions d'événements, et peut-être qu'une façon d'accrocher, c'est de, je t'en avais déjà parlé, c'est de partir du rite, qui est finalement assez absent de la présentation, qui a été parfois dit à l'oral, mais qui n'est pas présent, par exemple, dans les mots, notamment dans tes hypothèses, tu as parlé de rite, alors que sur les lieux, là, il y aurait une précision à faire, on est là-dessus, et du coup, avec certains auteurs, quand même, de l'anthropologie, qui ont vraiment travaillé énormément cette question et autour du seuil également, c'est Turner et la liminalité, je pense que c'est incontournable. Et peut-être aussi Piette sur la religion qui crée, parce qu'il fait des choses quand même assez proches de ce que nous on peut faire, et je pense que ça peut apporter quelques éléments. Et simplement, alors peut-être pour tendre une perche par rapport aux questions sur, qui sont finalement les questions de la généralisation, hein. C'est vrai que c'est toujours difficile, et surtout dans un cas comme celui-là, c'est vrai que tu avais essayé, dans une présentation que tu as fait au Cresson il y a quelques mois, là, d'utiliser un des outils Cresson, entre guillemets, qui est la traversée polyglotte, qui est une manière justement de ramener du terrain, hein, et de montrer comment on passe à l'étape de la généralisation, j'ai envie de dire, en tout cas, comment, à partir de plusieurs récits, on va créer une histoire un petit peu différente, donc, qui regroupe plusieurs pratiques différentes, plusieurs entretiens différents, plusieurs parcours commentés différents, et que ça peut être une façon de réintroduire dans ta présentation un petit peu de terrain. Je pense que c'est ça qui manque, en fait, pour comprendre comment tu utilises ces termes qui sont des généralisations. Et qui peut effectivement, sans le terrain, à mon avis, elle pose problème, surtout sur une question comme la mort qui nous touche tous, quoi. On a tous nos idées, et je pense que ramener un peu de terrain, ça va être la façon, dans une présentation d'une vingtaine de minutes, pour toi, de donner un peu de chair à tout ça. Moi, ça serait le conseil. Ok. Et là, bah, dernière phrase pour conclure, en tout cas, merci, c'était pas passionné. La phrase, je pense que c'est Grégoire qui l'a donné, il me semble qu'il y a un terme qui est absolument fondamental dans tout le travail, c'est le terme de mise en condition. Mmh. Ça, c'est certainement quelque chose qui serait très très intéressant à travailler dans le jeu. Bah, c'est ce que je fais un peu en termes de mise en geste, comment le rythme met en condition et comment les seuils mettent en condition. Enfin, je l'interroge à travers ces trucs. Mmh. Bon, merci beaucoup, désolé de devoir faire un peu la police des débats, c'est pas le rôle le plus facile. On aura dans tous les cas l'occasion de discuter encore après, si on le souhaite, sur cette présentation.